zim zon kous mwen Le seman le douvan Nan me dan ban me chan yo Ki de kwe yo djunga Pou le mdan bin zan yo Pa mande zan yo mbonde Pou le mba pou le la Pa jaman men de bezono Pou bizon de kaza chwe le Lek ba Kote mye Nou ven ban kya ya pou nou Na ba vansye si yo Yo met la croix, ça te dit yo met la cousa. Le voisin con moins sou yo, moins pas wè yo. Ça te dit yo quand son verre, ça te dit yo ton mot. Dans chimé voisin ben yo, yo passe bien boudé. Dans cérémonie ça, en son son ou pas là. Tout fidèle yo présenté, et les aïmantes pour yo. Là, ou al caché dans cérémonie ça, en son son ou pas là, tout fidèle yo présenté, et y a hibanto pour yo, ou tout est là, ou al caché, rico, rico, rico. Jerry, ay ay ay, I'm all night, one love. Oi oi oi, passa. Ay ay ay. Oi oi oi. Ay ay ay. Oi oi oi. Happy birthday to you, baby. Yes, I. Chantez souffle, n'allez, n'allez. Oui, c'est monté, n'a pas monté. Ah, si vous pas monté, puis quand vous étendez. Si vous pas monté, puis quand vous étendez. C'est monté, n'a pas monté. C'est monté, n'a pas monté là. C'est rive, pleu, rive. C'est y aller, n'a pas monté là. Mais pas m'a gardé de rien. C'est monté, n'a pas monté là. C'est rive, pleu, rive. C'est aller, m'a pralé là. Vous arrivez, pibe. Ah, si vous pas monter, puis quand vous étendez. Si vous pas monter, puis quand vous étendez. C'est monter, m'a monté là. C'est rive, pleu, rive. C'est aller, m'a pralé là. Vous arrivez, pibe. C'est monté ma pensée là, rive le bleu rive, c'est aller ma brale là, vous arrivez pibe, le égba, gote ouye là, le égba, gote ouye là. Le égba, gote ouye là.

Pache, pache, pache. Eletso, pache, pache, pache. Eletso, pache, pache, pache. Eletso, pache, pache, pache. Limache.